Road. Thank you. Pujol avec Black Rabbit de son album Ringo, Where Are You? Juste avant les Delaware Chuck et la chanson Charles Atlas, selon l'étiquette C4 qui nous a envoyé des nouvelles des Delaware Chuck cette semaine, les Dells sont actuellement en studio et devraient lancer leur troisième album vers le mois de novembre. L'album précédent, lui, remontait déjà à 2008. L'émission de ce soir est en direct, alors vous pouvez m'appeler pendant les segments musicaux au 514-343-CISM, 514-343-2476. On poursuit maintenant avec le trio Blonde Redhead qui laisse de côté l'anglais pour l'italien, le temps d'une chanson. La chanson « She, Hey et Ni, Hey », pardonnez mon accent italien, qu'on peut traduire plus facilement par « Qui est, n'est pas ». C'est tiré d'un mini-album Mélodie Citronique sorti en 2000 et qui contient des reprises en français et en italien de trois chansons de l'album « Melody of a Certain Damaged Lemons » en plus de remix et de la chanson qu'on va entendre. La chanson, les chansons en fait en italien, c'est pas tellement surprenant de la part de Blonde Redhead lorsqu'on sait que deux des membres du groupe, les jumeaux Simone et Amedeo Passé, sont justement d'origine italienne. Alors sur les ondes de CISM 89.3, voici Blonde Redhead en italien. Lo sai, non sai come me, sempre sai dove sei, come sai quanto vuoi di quel che vuoi. Invece non voglio svegliare me per pensare a te. Uomo, ragazzo, passione del gioco, il fuoco, il fosso, le strade percorse di notte, ogni giorno, di sera, questa sera. Thank you. sur les ondes de CISM, vous écoutez l'émission Le Terminus, dédiée au rock indépendant d'un peu partout dans le monde. Vous venez d'entendre du Japon, Luminous Orange avec How High. C'est un titre en anglais, mais on a bien compris, c'était des paroles en japonais. Ensuite, on a plutôt entendu avant Luminous Orange, Yula Tango qui reprenait une chanson des Beach Boys, Little Honda. Ça se retrouve sur leur album I Can Hear the Heart Beating qui remonte quant à lui à 1997. Maintenant, on attend toujours un premier album pour le Kid Ely Marinelli, qui a d'ailleurs visité plusieurs villes au Québec. Ça ne l'a pas empêché de faire une grande tournée cet été. Ils seront d'ailleurs à Montréal, au Divan Orange, samedi, le 3 septembre prochain. Voici les jolies filles, le Kid Ely Marinelli, sur la marge, CISM 89.3. then we cross. Get Over de PS I Love You. Il faut avouer qu'ils ont du sens, plutôt la suite dans les idées. Ça se retrouve sur l'album Meet Me at the Monster Station, sorti l'année passée. Et comme vous, peut-être, je me suis demandé, Monster Station, c'est où ça? Eh bien, finalement, il semble que c'est nulle part. Ça serait, dans le langage militaire, l'endroit où tous les soldats se rassemblent pour recevoir leurs ordres en cas d'urgence. Alors, on peut supposer que c'est suite à de mauvaises nouvelles. Alors voilà, c'est clair. Voilà ça qui est réglé. Dans le dernier segment, on entendait également les Montréalais de Mavo avec Hash Hate Crimes tiré du EP qui est sorti ce printemps dernier en format numérique. On attend toujours la sortie physique du EP via le label Fixture Records qui est de Montréal également. Fait intéressant, Mavo, c'est un trio composé de membres originaires de Vancouver d'un côté, Sydney et Osaka. Ça doit être pas évident de se rencontrer. Également, la descente du coude précédait tout ça avec Branchez-le. Voici maintenant les Ghouls. Mais on va poursuivre avec les Ghouls qui ont trouvé une façon, plutôt une idée originale de régler les problèmes de Montréal. Ça s'appelle Ville sur les ondes de CISM 89.3. Yeah.

sur CISM 89.3. C'est terminé. Autolux avec Super Toys de leur excellent album Transit Transit. Avant Autolux, vous avez entendu la chanson Vertige de Carquois de l'album Les Tremblements s'immobilisent, qui est l'album qui a suivi leur premier album Les Pensionnats des Établis et qui a vraiment permis à Carquois cette fois-ci de trouver son son, le son qu'on connaît aujourd'hui. Vous pouvez trouver la liste des chansons que jouer ce soir ou encore écouter l'émission en balado-diffusion en vous rendant sur le site de la station, le cism893.ca, cliquez dans la colonne de gauche. Restez à l'écoute, hein, parce qu'après les publicités, Étienne Champagne arrive avec l'émission Rythmologie pour les deux prochaines heures. Une excellente émission. Pour se quitter, j'ai déterré pour vous un trio formé de Fred Fortin, Olivier Galaxy Langevin et Michel Dufour. Gros Mené, c'est le nom du groupe, ont sorti un seul album en 1999, un album de rock gras comme on l'aime du Lac-Saint-Jean. L'album s'appelle Tussodrome Pierre Bouchard. Voici la chanson Gros Mené de Gros Mené. Ici Jean-François, passez une très bonne semaine. À bientôt. Sa grande région. Je vous invite toutes deux chaque lundi matin de 7h à 9h à écouter mon émission à moi, complètement réalisée par moi, Martin Roussy, et j'ai nommé Le Manchot. Humour, humeur, opinion, sortie de disque, revue de presse, météo-yo, imitation de Richard Martineau et le meilleur de la meilleure musique sont au rendez-vous sur les ondes de CISM 89.fm. Oublie pas, là, marque ça sur un petit papier, au pire, lundi matin, 7 à 9, CISM, Le Manchot.